nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvué. On est rendu à l'émission 405. Et aujourd'hui, Henri nous parle de N. Roland. Voilà. Alors, puisqu'on enregistre régulièrement, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de parler de ce mot-là, parce que c'est un verbe, qui existait déjà en breton avant que les enregistrements ne se fassent. Mais dans le sens de plutôt que d'enrôler, d'ailleurs on a à peu près la même forme en français, hein. Enrôler, parce qu'un rôle, au départ, c'est un registre sur lequel on enregistre, par exemple les marins là, sur un bateau, c'est le rôle. Le rôle, hein, c'est le poste. C'est pas ce que chacun a à faire, c'est la liste des gens qui se trouvent sur le bateau. Et c'est encore utilisé d'ailleurs le terme, hein, sur le rôle. Et au niveau juridique, on parle de rôle aussi. Hein. C'est pour ça qu'on a par exemple la tour de rôle. Mmh. La tour de rôle, c'est-à-dire en fonction de l'inscription sur un registre. Alors ça vient d'un mot de latin, du bas latin, hein, qui était rotulus, qui voulait dire un rouleau, un parchemin, un rouleau sur lequel on va inscrire des listes comme ça. Et donc ce mot a connu une évolution. Quand on disait enrôler, c'était plutôt enrôler des soldats, par exemple. Et puis petit à petit, il s'est confondu un petit peu avec enregistrer, qui vient d'ailleurs de registre. Hein. Enregistrer, c'est mettre sur un registre. On dirait peut-être un fichier aujourd'hui, hein, quelque chose comme ça. Et alors le mot breton, N. Roland. Est devenu d'actualité quand on a commencé à enregistrer massivement les choses. En particulier, par exemple, la musique, hein, donc qu'on ne pouvait pas enregistrer autrefois, hein, sinon l'enregistrer par la mémoire. Mais il n'y avait aucun moyen de... Bon, pour les représentations, on pouvait dessiner, mais pour les sons, il n'y avait aucun moyen de les conserver. Et donc, on a commencé à utiliser des rouleaux, encore une fois, des rouleaux de cire, pour enregistrer en enregistrement analogique, mm-hmm. hein, si bien qu'on peut entendre, par exemple, Maharit Vulub, hein, à la fin du siècle dernier, qui a été enregistré sur rouleaux de cire. C'est très émouvant d'entendre des voix comme ça. Quand je dis siècle dernier, c'est l'avant-dernier même, hein, maintenant. On a pris l'habitude de dire siècle dernier, les gens de mon âge, mais c'est l'avant-dernier, le 19e siècle. Hein. Donc là, on a des enregistrements, hein, qui ont été conservés sur rouleaux de cire et qu'on peut transférer, bien sûr, sur d'autres supports aujourd'hui. Alors, ça a changé beaucoup de choses. Par exemple, pour la musique, ça a changé énormément de choses qu'on puisse enregistrer. Hein. Quand j'étais jeune et qu'on voulait sonner, comme on dit en breton d'ailleurs, zone, hein, et ben, il fallait aller entendre des musiciens et puis essayer d'enregistrer dans le cerveau, et puis après on oubliait l'air, et puis c'était... Mmh. Alors que maintenant on enregistre facilement, il y a toutes sortes de machines à enregistrer. Alors on a enregistré sur des rouleaux de cire, et puis après on est passé à des disques, hein. C'est-à-dire qu'on est passé du rouleau au disque. Et le disque, au départ, c'était les 78 tours, hein, des disques qui tournaient vite, et donc il y avait des sillons assez épais, donc ça durait 4 ou 5 minutes, quoi. Hein. Mm-hmm. Et alors, il fallait, pour les lire, il fallait un gramophone. Et donc, le gramophone était vraiment une invention qui a bouleversé la musique. Hein. Mais il fallait changer le disque souvent, parce que ça durait 4-5 minutes. Et alors, ce qui avait étonnant, parce que moi j'ai un gramophone de cette époque-là, et la vitesse était réglable. On pouvait le faire accélérer ou ralentir, ce qui n'est pas possible sur les disques d'aujourd'hui, quoi. Ça change un peu le son quand même. Ah, ça change le son, oui. Quand on va plus vite, le son devient plus aigu, quoi. Enfin, c'est assez amusant, quoi, de voir, quoi. Alors, ça marchait avec un ressort, hein, qu'on remontait avec une manivelle, hein. Et alors ensuite, on est passé au micro-sillon, hein, donc 33 et 45 tours. Hein. Quand j'étais jeune, c'était les 45 tours. qui faisait fureur, qu'on passait sur des électrophones Tepaz, là. Voilà. Et puis après, bah, alors après, il y a eu plein de systèmes d'enregistrement. Il y a eu les cassettes et puis aujourd'hui les CD, quoi. Donc ce mot Enrolland, on l'entend souvent hein, dans à la radio, par exemple. Hein, donc le participe passé, c'est Enrollet. Hein. Enrolledb d'un Erbladen. Hein. Alors le mot disque en breton, c'est pladen. Hein. On avait eu l'occasion de parler de ça déjà. Et donc Enrolledb d'Erbladen. Hein, bon, un disque a été enregistré, quoi. Et donc, alors c'est pas vraiment un néologisme, mais c'est un mot qu'on entend souvent dans le breton d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc c'est un mot à connaître. Enrolland, hein. Enrolland, Enrollet. Alors bien sûr, on peut faire des dérivés. Enrolladur, hein, un enregistrement. Voilà, pour faire un substantif à partir du verbe. Enrolladur. Hein. Donc voilà, ben nous on enregistre toutes les semaines. Enrolled ve bebzun, enabaden. Enabaden a une émission qui est, on dit enabaden. Enabaden enrolled, voilà. Et ben voilà, on a tout enregistré pour aujourd'hui. Très bien, on passe à la deuxième partie d'émission. Brezhoneg dans ma tente. Alors aujourd'hui, le dialogue, Henri, on part à Zantoluk. Oui. Est-ce qu'il y a une veillée? Oui, voilà, il y a une veillée qui a eu lieu en fait pour la Sainte-Cécile, le 22 novembre, tous les ans. Donc ça te rappelle quelque chose cette date-là, non? Le 23, c'est la Saint-Clément, c'est un peu mon anniversaire aussi. Ah ouais, voilà. Donc c'est le 22 novembre. Donc voilà, Chernik est allé voir Job Nedelec, hein, qui l'instituteur en retraite, qui s'occupe de plein de choses. Hein. Voilà. Très actif. Salut Job, ma de jeu. Ja, ma très Chernik, à ganar. Ma dit, yeah, mais Job, l'arrêt d'une clé de meuse ou à mettre un déa, leur veilla d'ec bazon tolec. Ja, or veilla d'ec, pe or filage, ma peu soin. Be pla ve gretzi, un ne warnug, un de zvisdu, devez zante Sicilia, a plija d'ur ve dermat. Kal zedu da zo bet. Ya war dro perug ne du de wa. A zon erien. Ya zon erien a kan erien. Reyo ang a regos. Bipsor bin vya oumem klevet. Trujen gol, violon, stellen, wisten jol, binyu, bombard. A kan de boz, a kan a diskan. A givi de chui, o ban ar guir tom, pe o ban ar dourazen de bepini. Ya plijad ur zobet.

troisième partie d'émission, Petra Zonevier Vroeri. Ben, quand se draw et vel juste boire vej di ouzan. Krogom de tianton vel custum, gant de la bourdouar hag ur vu et war ar mez. Erion bremont tos de fin ur diskar amzor, ben e fin, pas de sfin ar blam, mais de sfin diskar amzor, a presti geteil ur gouan. Hag spi meus ne vo ke regal de gouan, meus tra gwell vo. War da chen de la bourdouar e lu en mad en tra ur mar e man, ne ke bra gout pe sa mod vo kont, pe dur ar zo kal ze gudeno, hein, de zem un bekom zet Alice, déjà, war la bourdouar, hag zo war e vokal ze chanchement chou, ba an am zor de zon. War da chen la bourdouar, me ne ke bra a gout pe sa mod vo un trou, a pe sa, war pe sa tu e yeñ un trou. Evit tout so, e vo ret di, der un mur, e vo ret di wal mur de zon endro, benefin, a produit ou trevad ou a kik, evit bout gwer ze tostor de zon, bro France, pe va bro Europa, da skwe, hag evit tudel, ve fe gwell ar der an war moto per zo vraiment, de la rade Castro ou Pell, de zan me vel yir skornet, hag bon goul gant bro Europa, pe an divor tre ur priz bro Europa, hag an priz, war mar ad ur bet. Bon, se tu ar zo bin dibab d'or, hag war anke pe sa dibab vo gret, na war anke pi ou re en dibab, ben e fin, gwellet vo. Mais yo war chèche un trou kals. War da chen un économie eus hag politikerez, bremañ. Kuzul rand wo breiz, eus o hober o nen klas, kevit gout pe sa mot, well av retonne de breiz, ba bla da ou il tregon. Hein, pe sa mot vel amb un amb zor de zon de vit breiz. Hag em vo nou vegred, on tom pe bler, war un afarze, hag o nen klas ke vegred war... war ar oued an internet, evel just, puis on vraiment trem tout un trou dre internet, hag bon, gwell em lem meus tam o trou a zo bet de mez de ze, bet a vraiment, hag trou distor war benefin, bon trou ave fe be moyen de l'art, vin de zvors pe sor bro, pe Normandie, pe Kreis, France, pe bon, vel anke de ta kalz drou mez de zon afarz. Da skouer war da chen eus evenadur, bon, pe so bet ki niget zo tos deus man de zéro me peswa. Bon, nevel an ket teik kalz dra mez deus an afarz. Bon, ba bladou vil per, vil mon an tamm mez evro, oa bet zine do nem glev, tre bro gembre a breiz, evit labour ad ar samles, war ne peut tache nou. Evel jus bro gembre zo an tamm, zezo in gal ag peit gal, vid ren un kebekle zeroaz, bro gembre zo or square evit de breiz, hein, pel rog om jiwaz plus dur, om noum ket boar hanter de spes nan gret, med me mestraz o liam moutre bro gembre a breiz pel zo plus dur, e on tom mam ze vena dur ye so henvel mod, pe moyen ne ke bra kompren da feze hem brag, me kalz a draou zo hag zo de breiz hag vekav dive ba bo gembre. Hag war da chen zivenadur zo bet zin trou bon un deel oa bet o ne bet tud deus breiz hor daran klas daran pred ou bro gembre. Bon, pudur deja zo da skouer daran pred ou tre CRBC zo ba Brest, hein, zo labour a loar dro zivenadur breiz. Hag skol uel, skol veur, aber Suisse. Bon, gwell vo pe sa mod, vo kont de se. Ya ze oa ba Cardiff, hein, pe lar in mod, oa bet de un em glevs. Bon, on tom pe bler, breiz ve gwell milin ou avel, d'ober tredant, pe eolien en makaret. Hag ar zo stal ge vo ivo, igor et prestit, or stal zo ba began, hein, o park milin ou avel, jesen. O parkat i milin o avel, ba began zo trost de oenet, met d'ur vejman, e diz henvel un trau un tamp, pu dur park milin o avel zo gret gant ur strol at tut, zo bodet samblez neus gel ur gevridigez, hein, hag o strolat zo hanglet begawat, hag bon klev meus vo gret o parkadel, milin o avel, ba Sevenac Gwenroet, Zoba Baliga Ratlantel. De la Redis au Braise, hein, mais de Marme, Roise, Babro, Ligre. Yeah. Bon, au studio d'Iso Begred, de vaisseau, vide, voir, quand on insé, hein, voir Yohan qui se braise. Ag, bon, case du Yohan zo, braise, hein, mais de peso, case ne, verrette et mon warog, de glace l'arbre, hein. Plus dur, bois des glaceaux, pemdregan, de Yohan qui se braise, zo aide les hels de glace au l'arbre. Ag, zi, juste zo, dra, trisoir, hein, bon, ma chômac de Yohan Bavro. Vite mon entend, moi, d'achène, zévena, dur, des vaisseaux, ou abé, hangve, d'un du, d'un osbé, de, blanc, me, trop, houg, un herminique, galak, velardzi, collier de l'hermine. Parce que, béroas, non, mais, ruiseau, rayon, de gars, de, trop, houg, ben, très grand, là, homme, ma, très, hein. Bon. Bon, c'est une reprise, obé, ro, et de, vers ro, de, du, d'un, labour, de, wardachène, zévena, dur, pé. Pétramant vibraise drève rose, hein, war trawel. Ag blamant zo bid hange vet père, hein, père din, zo bid trohoug un herminik. De dianto Martial Ménard, Martial Ménard, zo hange vet mad vid de l'arbre gred gant war dash en abrezon, hein, grendeus guerria duriou, vid de riez, hein, guerria duriou abrezon de pendaben. Ag kalz l'arbre neus begred, a dis, bon, e reo de trohoug un herminik dan, bon. Hendel, Belg, hein, un tas de Yves Pascal Castel, a zo han de mad, vu un labour a war a glad, hein, pelzo, get skeden ou de ze glad, a tressaden ou a bon au berntro, a une bande de l'everio, hein, hag, war glad zavel, dreistol, glad de religion, hein, nilige ou chapelio, calvario. Ag, orbera à IV, abaden, ou radio, war, radio rivage. War eglad, justement. On denel, neus berroas tro houg un herminig, et Jean-Jacques Monnier, zo historou, Alice Véclève de Combes 200, hein, putur ne scrive de, au Nebama de l'Everio, war, histor brace. Ag, mon au chambre la nuit hein cusulier bar aux mames ba la nuit à Hendel wa on denel wa c'est Tanguy Louarn hein zone den azo hanave mad juste mad vide de toute business grade et videur brazondag à trop hougener minix au perro était bas en Nicolas Redon bon puis on comes de ces événements du roi NDL wa bas en Igouden guel vide Annie Ebrel, ni nord de Annie Ebrel, au camp en braison de très grand lasso, ag milardar wakals du denan, ba kouls bazonade gvel ba fesnons, zo bekals du da bon zonerien kornerien, a kals du hendel, vide rent et inor na hand de Annie Ebrel. Vide chom moins de temps, moi d'ach en or braison, puis dire comme ze zor braison, au levers au bédimban le nevesso, war, troyouker, Nicolasik, galak et petit Nicolas. Zézo fentus ka Nicolasik et un dé ni wagwel de zantezan en bas, zantezan en moyennet, trihan de l'assaut, mais n'est que même signé. Bon, sais-tu, bon, troyouker, Nicolasik, hein, zéwabé, gred, hanterkan de l'assaut, gand sampé, zo tressour, hag, gand gossini, ni waget de homjou, a zo betro et gandivi kervelan, hag im bandet, hein, bon se zo or blijadur a vide vugalis, et on tan prov ma peswant vi gwell nedelek. Hendel o lever an neus gret berz, oaz, hag zo deux en mez ne vaisseau, et lever war Jean Gouriou, po de fotoyo bas an Nicolas, hag en rolle de ebed, non, im bandet ebed un drazé, gant Strolader glad zan Nicolas, hag bon, zo, pemkant zo bet im bandet da mezon vo rad gret reel, pe dur tout de reo a be gret zo bet gwer zed. Vegel moa kom ze tard de Jean-Pierre Elien, zo en ne vaisseau de Nandan, hag o président neve zo be hanve de Vilgwet zan loup, Hervé Rouault, hein, ou déjà la bourre à Douarzy, c'est très bon la somme, hein. Hag, bon, c'est tu vos présidents de Neve, hag, menosio Neve, vidor Saint-Loup, de l'arrête. Bah, rostren, zo bedim bande do leverroas, war histor rostren, hag, lever ze zo gret gant Marie-Madeleine Paquer, zo rande mode, bah, rostren, déjà, moi, betro de gomps de seille, hein, à Roland Jourdrain. Hag, bon, a ze ve gwellet kal ze draou di war ben histor rostren, hag, par ou joël de ce canton rostren. Bon, kal ze blade nouve lak de war mar ad ur mar eman, bon, derbaz ve blade nou, hein, au ton de mez, hein, da skwer titom hag istrol en deus gred ur blade neve zo au ton de mez, vraiment, aze. Hag hendel ma trezen peus klevet komz deus lever deus blade gred gant Sylvain Rouz a Jacques David. Ma sen peus beklevene battu deus ur vro gant Jean-Pierre Guyala hag bon ur bladen a zo stres de vous de ker tri bon hendel gret me mon tom tro ne velan ke kalz dra de l'art artin c'est du ben a vegel vo komz ur oas hag la rand salut de tout de Chilaoué an ar kabe hag tien ur vegel ken ar vegel eri ya ad artin medel